les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Où en sommes-nous donc ? Les traces sensibles parlent dans leur langue qui nous est étrangère à nous, dit Rouletabille. Elles doivent, ces traces, vont-elles, entrer dans le bon cercle de la raison, un cercle étroit et gigantesque. Rouletabille réussira-t-il à prouver que Frédéric Larsan se trompe ? Il faudrait aussi innocenter les Berniers, accusés, à tort bien sûr, de complicité avec l'agresseur de Mathilde Stangerson. Et Darzac, Robert Darzac. Darzac. Première diffusion des épisodes qui viennent, les 14e et 15e, c'était le 18 et le 19 août 1983 sur France Culture. Le mystère de la chambre jaune, de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rèze. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Laissez-moi mener ce coup, je réponds de tout. Voilà, nous allons boucler les issues et tendre un piège. L'assassin est obligé de s'y laisser prendre. Expliquez-moi ça. Voilà, en sortant de la chambre de Mathilde, il y a trois issues possibles. La cage de l'escalier, que nous ferons garder par le professeur, la fenêtre de la galerie droite, où se tiendra le père Jacques. Oui. Comme ça, le fuyard n'a plus qu'une seule ressource, s'engager dans la galerie tournante. Et oui, il y a 100% de chance pour qu'il reparte par où il est venu, c'est vrai. Larsan, acceptez-vous ce poste? Je sais qu'il est dangereux. Quel sera votre rôle? Moi, je sauterai dans la chambre et je rabattrai l'homme sur une des trois issues. En fait, seule la vôtre est importante. Bon, c'est bon, tenez. Voici mon revolver. Moi, je me contenterai d'un point américain. Merci, Larsan. D'une part, j'aurai moins peur et de l'autre, j'aurai l'air moins bête avec une arme. Je quittais Larsan et je filais vers l'appartement du professeur Stangerson. Là, je le trouve habillé en compagnie du père Jacques. Alors, je l'informe de ce qui se passe. Il en profite pour se munir également d'une arme. Tout le monde est en place. Et je constate que depuis que j'ai vu l'assassin de dos dans la chambre de Mathilde, il s'est à peine écoulé 10 minutes. Je leur donne à tous des instructions, et en particulier de ne venir à moi que s'ils m'entendent crier ou tirer un coup de feu. Vous êtes prêt, professeur ? Je le suis. Et vous, père Jacques ? Il n'avait qu'à venir faire un tour de mon côté et vous verrez ce que je suis capable de lui faire à votre assassin. Je n'en doute pas. Et vous n'aurez pas longtemps à patienter. Il me faut 2 minutes pour retourner à la fenêtre. Bonne chance, Rouletabille. Et pas de risque inutile, n'est-ce pas ? Alors, me voilà de nouveau au rebord de la fenêtre. J'avance la tête. Je regarde. Il est là. Même dos énorme, déformé par les ombres projetées. L'homme n'écrit plus. Il est penché vers le plancher et la bougie est à ses pieds. Il éteint. Je prends le revolver de Larsan entre mes dents. Je pose la main gauche sur l'appui de fenêtre. Ma main droite en fait autant et je m'apprête à faire un rétablissement sur les poignets. Au même instant, mon pied repousse malencontreusement l'échelle et elle s'effondre. Je me redresse. Mais l'homme avait été plus rapide que moi. Il a entendu tomber l'échelle. Bien sûr. S'est redressé, s'est retourné. Alors vous l'avez vu ? J'ai vu sa tête dans la pénombre. Parce que la bougie éclairait ses pieds et le bas de ses jambes. Mais enfin quand même. J'ai vu une tête chevelue, barbue, des yeux comme fous. Une face pâle encadrée de larges favoris. Quelle couleur ? Autant que je puisse en juger, le tout était d'un blond vénitien tirant sur le roux. Et vous connaissez cette figure ? Non. Non, je ne le connais pas. Ou tout au moins, je ne le reconnais pas. Ensuite ? Ensuite, il fallait faire vite, le temps de sauter dans la pièce. Et l'homme avait bondi et précipitamment, il avait ouvert la porte de l'antichambre. Bien sûr, comme prévu, il filait par la retraite que j'avais imaginée. Nous le tenions. Je hurlais dans le couloir. Arrêtez-le ! Professeur ! Père Jacques ! À moi ! Nous le tenons, Rouletabille, nous le tenons ! Il vient de passer ! Ah, il m'a passé quasiment sous le nez ! À vous, monsieur Larsan ! À vous, il vient droit sur vous ! Larsan ! Eh ben, Larsan, où est-il ? Comment, où est-il ? Tonnerre de nom d'un petit bonhomme ! Il s'est pas évanoui, ce mécréant ! J'ai vu son ombre, il m'a pratiquement soufflé dans la figure ! J'aurais presque pu le toucher ! Moi aussi ! Moi également, je me suis précipité sur lui, mais... Et puis, plus rien. Mais enfin, c'est pas un fantôme, c'est absolument impossible, vous êtes bien d'accord, Larsan ? L'homme était entre vous et nous ! Tout à fait d'accord, seulement la seule chose qui subsiste à présent, c'est qu'il n'est plus là. Bon, éventuellement, nous pouvons fouiller partout. Ben, c'est ça. Il faut tout examiner minutieusement. Nous pouvons trouver une trace de son passage quelque part. Voilà. Voilà ce qui s'est passé ce soir-là dans la galerie, mon bon Sinclair. C'est tout bonnement inexplicable. Renversant. Absolument renversant. Ça, n'importe qui d'autre que vous m'aurait raconté cette histoire, j'en aurais déduit que j'avais affaire à un méridional. Et nous avons fouillé partout, remué les fauteuils, sondé les murs. Rien. Rien. Rien. Le père Jacques a même regardé dans une potiche. Oh. Insensé. Une véritable désintégration instantanée de la matière. Et c'est à ce moment-là que Mathilde est apparue sur le seuil de sa porte. Et aussitôt, je reconnus son parfum. Le parfum de la dame en noir. Chère dame en noir, que je ne reverrai sans doute plus jamais de ma vie. Alors je reprends mes esprits, je regarde la fille du professeur Stangerson, ses magnifiques cheveux dorés relevés sur la nuque, cette blessure à la tempe dont elle avait failli mourir. Elle est là, vêtue d'un peignoir blanc, d'une blancheur de rêve, Père. Mathilde. Que signifie ce vacarme ? Mathilde, ma chérie, ce n'est rien. Va te recoucher, tu dois être fatiguée. Mais pourquoi n'étais-tu pas dans ta chambre cette nuit ? C'est très simple. Je n'avais pas envie d'y dormir dans ma chambre. Alors j'ai pris le lit du boudoir où dorment les gardes malades. Depuis la nuit de la chambre jaune. Oh, père. Je me remets lentement, mais je garde un sentiment de peur, de crainte. C'est sans doute puéril, inexplicable, mais je n'y peux rien, j'ai peur. Tout le monde ici te comprend, ma chérie. Tout le monde. Allez, retourne dans ta chambre. Ou plutôt, va te coucher dans ton boudoir, c'est très bien ainsi. Et tu as grandement besoin de repos, de calme. Oui. Va. Tu as sans doute raison. Merci, père. Bonne nuit, messieurs. Tout cela est bizarre, monsieur. Extrêmement bizarre. Dites-moi, père Jacques. Oui, monsieur Larsan. Vous l'avez bien vu, vous. Qui ça ? L'homme. Ah, et plutôt deux fois qu'une, pour sûr. Il avait une belle barbe rousse, des cheveux roux. C'est exactement ça. C'est ainsi qu'il m'est apparu à moi aussi. Tous nos témoignages concordent. C'est également ainsi qu'il est passé et a disparu sous mes yeux. Je sentais encore le parfum de la dame en noir. Ah, mon cher, une émotion indicible est en moi. Depuis l'instant tragique de la chambre jaune, nous tournons autour de cette femme invisible et muette pour savoir ce qu'elle sait. Et voyez-vous, notre désir, notre volonté de savoir doivent lui être un supplice de plus. D'ailleurs, qui nous dit que si nous découvrons les raisons du mystère dont elle s'entoure, nous ne déclencherons pas un drame encore plus épouvantable que ceux qui se sont déjà déroulés jusqu'ici? Qui nous dit que cette fois, elle n'en mourra pas? Déjà, elle a failli perdre la vie et nous ne savons rien. Moi, si je savais qui, je saurais tout. Oui, tout, mais qui? Et ne sachant rien, je dois me taire par pitié pour elle. Car elle sait comment s'est enfui l'homme de la chambre jaune. Et pourtant, elle n'a rien dit. Alors, pourquoi parlerais-je? Non. Quand je saurai, c'est à lui que je parlerai. À quoi pensez-vous? Vous semblez soudain si loin de nous. Oui, j'étais très loin, en effet. Un peu aussi loin que l'assassin. Hélas, il y a sûrement ici une issue secrète et il la connaît. Oh, mais comment pouvez-vous dire ça, Larsan? Il s'est volatilisé sous nos yeux, sous les vôtres. Et pourtant, il est grand, mais il paraît fort. Il a la taille qu'il faut. Et alors, vous pouvez expliquer les cheveux et la barbe rousse? Oh, trop de barbe, trop de cheveux. À mon avis, ce sont des postiches. La taille, les postiches, vous ne pouvez pas faire autrement que de penser à Robert Darzac, n'est-ce pas, c'est ça? Eh oui, c'est exact, et tout concorde. Il est assez grand, il connaît le château du Glandier, et il a intérêt à ne pas être reconnu. Mais bon sang, vous ne pourrez donc jamais vous débarrasser de cette idée. Je suis sûr, moi, qu'il est innocent. Tant mieux, je le souhaite. Je le souhaite autant que vous. Mais... Mais quoi? Mais quoi que vous disiez ou quoi que vous fassiez, mon cher Rouletabille, tout condamne Robert Darzac, tout. Mais moi, je maintiens qu'en dépit de tout, Robert Darzac n'est pas l'assassin, voilà. Ah, vous avez remarqué les traces de pas sur le tapis? Non, je les ai vues. Ce sont les pas élégants du bord de l'étang. Ah, nierez-vous que ce sont là les pas de Robert Darzac? Niez-vous l'évidence? Oui, bon, je vous l'accorde, on peut s'y méprendre, mais des traces de pas ne constituent pas une preuve formelle. Certes. Et avez-vous remarqué que pour celle du couloir, les traces de pas ne reviennent pas? Oui. Oui, ce qui revient à dire que quand l'homme a fui, poursuivi par vous et ensuite par nous tous, ses pas n'ont pas laissé de traces. Oui, l'homme était dans la chambre depuis sans doute un grand moment, alors la boue de ses chaussures a dû sécher. Et dans sa fuite, d'ailleurs, j'ai eu l'impression qu'il glissait plutôt qu'il courait. C'est exact. Sur la pointe des bottines, on l'a vu fuir. On ne l'a pas entendu. Garçon. Pardon? Ouais, comment vous n'avez pas entendu? On aurait dit une porte qui claquait. Oh, cela ressemble terriblement à une invitation. Allons-y. Encorbellement. Il y a de la lumière. C'est la chambre du garde, ça y est, l'homme vrai. Et allons voir ça de près. S'il peut justifier ses insomnies, tant mieux pour lui, mais normalement, vu l'heure qu'il est, il devrait dormir à point fermé. Oui. Qu'est-ce que c'est? Ouvrez, c'est Larsan et Rouletabille. C'est pareil, on n'a pas idée. Enfin, rentrez. Bonsoir. Vous n'étiez pas couché? Ah, ça se voit, non? Oui. J'ai été faire une tournée dans le parc et dans les bois, et puis je suis rentré. Peut-être 3 minutes avant que vous n'arriviez. Bah, seulement maintenant, messieurs, j'ai sommeil. Alors, si vous voulez bien, bonsoir. Non, mais attendez, encore un instant. Tout à l'heure, il y avait ici, auprès de votre fenêtre, une échelle. L'échelle? Quelle échelle? Jamais vu d'échelle, moi. Bon, bah, bonsoir, messieurs. Eh bien, Larsan? Oui, je vous écoute. Cette attitude ne vous ouvre pas de nouveaux horizons? Ah, Rouletabille, mon cher, vous êtes incorrigible. Votre souci louable d'innocenter Robert Darzac vous amène à suspecter tout le monde. Mon cher Larsan, votre souci d'inculper Darzac est, compte tenu de votre grand talent, une solution de facilité. Et vous cache absolument toutes les autres possibilités. Ah, vous paraissez tellement sûr de vous. Ce serait quand même tout à fait étrange que je me fusse trompé à ce point. Reconnaissez, tout est parfaitement étrange dans cette affaire. Il y a vraiment de quoi se tromper? Bon, qu'importe, cher ami, nous serons bientôt fixés. Et demain, comme dit le vieil adage, il fera jour. Bonsoir, Rouletabille. Et bonne nuit. Bonsoir, Larsan. Et bonne nuit. Voilà, mon bon ami, comment s'acheva cette nuit de la galerie mystérieuse. J'ai attendu le petit jour. Puis je suis descendu dans la cour du château, j'ai examiné attentivement toutes les traces qui en partaient ou qui aboutissaient. Les traces de pas, je suppose? Ouais. Oui, elles étaient mêlées, confuses, bref, il n'y avait rien à en tirer. D'ailleurs, la méthode qui consiste à afficher le nom du criminel d'après les empreintes de pas est tout à fait primitive. C'était le bon temps de Bertillon, ça. Ben alors pourquoi étudier ces traces? Ah, pour essayer de retrouver le bon bout de la raison, Sinclair. Les pas, comme vous dites, sont la tentation immédiate du premier policier venu. Le pas. Eh bien, voyez-vous, je laisse ces méthodes à Frédéric Larsan. Oui, je ne travaille pas dans ce goût-là, moi. Car avec sa méthode, entre nous, il est arrivé à une conclusion d'une bêtise encore plus énorme que tout ce qu'on peut lire dans les livres. Joseph, Larsan n'a rien d'un policier débutant. Sûrement pas, seulement avec sa façon de procéder, il a trouvé le moyen de convaincre de Marquet, le juge d'instruction, et Dax, le chef de la sûreté. Ça fait beaucoup pour une erreur. Bref, il a convaincu tout le monde. Et vous savez d'où vient tout le mal, Sinclair? Bah, aucune idée, mais je ne vais pas tarder à le savoir. Eh bien, le mal vient des traces sensibles. Oui, les empreintes, les bouts de cigarettes, la menue monnaie des grandes affaires criminelles. Autrement dit, la charlocomanerie du pauvre. Oh, écoute, vous oubliez un peu vite, mon cher Joseph, que je suis avocat, que cette menue monnaie, comme vous l'appelez, a permis à d'excellents policiers de résoudre des énigmes qui sont devenues célèbres. Oui, oui, la malle sanglante, les amants tragiques de Saint-Germain, le vampire de Düsseldorf, et je ne vais pas les citer toutes. Oui, Sinclair, les traces sensibles parlent, et ce qu'elles révèlent est de la plus haute importance, d'accord, mais elles parlent dans leur langue, qui nous est étrangère, à nous. Il faut donc faire très attention aux erreurs de traduction. Il ne faut rien croire, les yeux fermés. Moi aussi, vous l'avez vu, je me suis penché avec beaucoup d'attention sur ces traces. Mais je ne me suis pas laissé duper par elles. Uniquement pour les prier d'entrer dans le cercle dessiné par le bon bout de ma raison. Ouais. Et le cercle aujourd'hui, comment est-il, mon cher Rouletabille? Étroit. Très, très étroit, mon cher Sinclair. Mais je dirais quand même gigantesque, puisqu'il ne contenait que la vérité, la simple vérité. Autrement dit, Frédéric Larsan se trompe du tout au tout. Oh, alors là, si je me complaisais dans les formules toutes faites, mon bon maître, je dirais que nous avons relevé tous les deux des traces sensibles, j'en ai fait des servantes, et il en a fait ses maîtresses. Oh, la formule est hardie. Peut-être, oui. Mais c'est à cause de ça que je triompherai de lui, car je finirai par gagner, Sinclair, vous m'entendez? C'est vrai, au lendemain matin du phénomène mystérieux, j'ai réagi, Sinclair. Voilà, vous n'y pouvez rien. Rouletabille, mon petit bonhomme, relève la tête. Eh bien, parfaitement. Et ne soyez pas inquiet, mon cher, tout ça se soigne très bien, très très bien. D'ailleurs, vous voyez pas l'ombre d'une inquiétude. Vous trouverez, mon petit Joseph, vous trouverez. Mais c'est évident, Sinclair. Moi, je travaille sur le bout de la raison, Larsan, lui, sur le bout de sa canne. Je prouverai forcément à un moment ou à un autre que le grand Frédéric... Se trompe, vous l'avez déjà dit. Oui, alors là, vous pensez que j'aurai d'autres. Hein? Mais je voudrais prouver plus que ça, je voudrais prouver que Frédéric Larsan n'est qu'un gigantesque imbécile. Oh, bah écoute, faut... Non, peut-être pas gigantesque, oh, non. Puis vous n'êtes pas pourtant du genre à changer d'idée aussi rapidement. Ah, il faut que je vous fasse quand même une confidence, mon bon maître. Oh, tiens donc. En fait, il s'agit d'une confidence que je ne... peux pas vous faire tout entière, mais il n'est pas possible non plus de vous la faire tout à fait. Eh ben, allons-y pour une moitié de confidence. Ben voilà, ce matin-là, je bouillonnais d'idées. Je suis retourné dans la galerie, à l'endroit précis où la galerie tournante coupe la galerie droite. Vous vous souvenez? Vous me suivez, Sinclair? Ah, comme si j'y étais. Bon, et je n'y ai rien vu de plus que la nuit précédente. Mais le bon bout de ma raison m'a montré une chose invisible. Une chose lumineuse, éclatante. Si fabuleusement éclatante que j'ai dû me tenir au mur, vous m'entendez, pour ne pas m'écrouler. Oui, alors là, je suis désolé, Rouletabille. Vous en avez trop dit ou pas assez. Enfin, de quoi s'agit-il? Ah non, je ne peux pas, pas encore. Au moins, mettez-moi sur la voie. Très honnêtement, ça ne servirait à rien. Oh, évidemment, tout le monde sait que je suis un avocat borné. Mais non, ça n'a rien à voir. Ce que m'a montré le bon bout de ma raison est aveuglant. On le voit en entier et on passe à côté sans le voir. Maintenant, il s'agit de quelque chose de très important. Écoutez et retenez. Eh bien, je vous écoute, maître. Bien. L'inexplicable résulte obligatoirement d'une explication simple. Et dans le cas présent, c'est la simplicité même qui est épouvante dès qu'on la touche du doigt. Ouais, ça c'est très beau, mais je ne suis pas sûr de retenir. Ah, Sinclair, tout ça s'est passé il y a 3 jours. J'avais une furieuse envie de vous voir, pour pouvoir en parler avec vous. La pelote basque, vous vous souvenez? La pelote basque. Eh oui. La pelote. Alors, bon, voilà autre chose. Mais non, les idées lancées comme des balles sur un fronton et qui vous reviennent plus vite et plus fort qu'on ne les a lancées. Ouais. Et alors? Ben, et alors? Sinclair, vous êtes le meilleur fronton que je connaisse. C'était Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Aujourd'hui, 14e épisode, avec Rouletabille, Philippe Nicot, Sinclair, Philippe de Rennes, Larsan, François Mestre, le père Jacques, André Weber, Mathilde Stangerson, Evelyne Selena, le professeur Stangerson, André Valmy, le garde, Benoît Allemann. Bruitage, Louis Amiel. Groupe de réalisation Arlette Adrian, Daniel Cocol, Serge Cohen, Anna Sibert. Réalisation Jean-Jacques Vierne. Mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rennes. Avec Philippe Nicot dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierne.